Pas toi, pas de logis, je traîne, ça fait un bail. Pas taf, pas de logique, diplômé sur la dalle, sur l'asphalte. Me revient la même question, à quoi ça rime de vivre si c'est pour être sous un pont. Mes journées se ressemblent, les unes après les autres. Dans vos yeux, je ressens de la haine envers les nôtres. Carrément ou quasiment, nous ignore. Je les aime pas car ignobles, nous estiment quasi morts. Ma vie, des allers-retours entre le parc et la gare. Fini le foyer, y'a des bagarres quand je partais là-bas. Je compte que sur moi pour m'apporter à boire. Car les structures d'elles me portent à croire qu'elles me portent la poisse. Alors, je vis en marge, le vivant mal. Ce rêve enfoui en moi, rêvant d'avoir une vie normale. Retrouver de repères, tout ça je le digère pas. Un taf et un appart pour que la crache lui dise au revoir. On est les hommes oubliés d'un monde et d'un système. Des parcours inégaux car la vie est ainsi faite. On s'y fait, on voudrait tirer les ficelles. Pouvoir dormir au chaud pour espérer passer l'hiver. On est les hommes oubliés d'un monde et d'un système. Des parcours inégaux car la vie est ainsi faite. On s'y fait, on voudrait tirer les ficelles. Pouvoir dormir au chaud pour espérer passer l'hiver. J'ouvre un œil ce matin, j'ai froid, mal à la tête. La bagarre de la veille m'a laissé de grosses séquelles. Le soleil réchauffe mon corps et mon cœur. Un rayon de soleil me réveille dans ce vieux conteneur. Je le partage avec un homme qu'on appelle l'ingénieur. Un homme en or que la vie a brisé sans qu'on pleure. Personne nous regarde, invisible à leurs yeux. Ne savent pas le parcours des oubliés devant Dieu. Malgré tout, la dignité s'accroche. Je ne veux que m'en sortir, mais je ne trouve plus la force, du courage. Et j'en ai pour me battre à nouveau, retrouver du boulot et quitter les accros du rouleau. La corde échauffe, je sais pas pour combien de temps. Cette nuit sera glaciale, comme souvent sous la tente. Plus de famille, plus personne à qui penser. Y'a plus que la rue, la survie qui me guide avant de tout lâcher. On est les hommes oubliés d'un monde et d'un système. Des parcours inégaux, car la vie est ainsi faite. On s'y fait, on voudrait tirer les ficelles. Pouvoir dormir au chaud pour espérer passer l'hiver. On est les hommes oubliés d'un monde et d'un système. Des parcours inégaux, car la vie est ainsi faite. On s'y fait, on voudrait tirer les ficelles. Pouvoir dormir au chaud pour espérer passer l'hiver. J'arpente les trottoirs de ma ville et ses rues. Je rêve tant d'un toit que j'enforcerai des serrures. Déception en série, tel est mon périple. Ces années sont pénibles, à mentir près du périph. Avant de périr, je décris ma vie sur ces rimes pour prouver que j'ai vécu. Car qui sait ce qui arrive, la vie m'abîme. Tout comme l'hiver et l'alcool, tu veux voir où j'habite, ouais. Viens, je suis d'accord. J'ouvre un œil ce matin, tristement c'est pareil. Ça fait déjà 3 ans qu'on m'a mis entre des parenthèses. La société refuse de me voir, de m'entendre. Mon casque squat est sous la tente, sur le banc je regarde les champs. Repense à ma famille, à mes enfants. Avant les problèmes d'argent, l'alcool, la violence n'ont rien arrangé. Je ne me reconnais plus car la rue m'a changé. On est les hommes oubliés d'un monde et d'un système. Des parcours inégaux car la vie est ainsi faite. On s'y fait, on voudrait tirer les ficelles. Pouvoir dormir au chaud pour espérer passer l'hiver. On est les hommes oubliés d'un monde et d'un système. Des parcours inégaux car la vie est ainsi faite. On s'y fait, on voudrait tirer les ficelles. Pouvoir dormir au chaud pour espérer passer l'hiver. Reports.